Dieu ne répond pas à nos prières par des multiplications de vaines paroles, mais par la sincérité du cœur. Sincérité du cœur. oh, oh.